J'ai le cahier qui se charge la justice. Quand je comprends qu'on ne peut plus rester pisse, que l'on vit sous les ordres du Christ. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais mec, je veux pas faire autre chose que ma mélancolie. Comme tous mes gens, je me bats pas pour la vie, mais plutôt pour la survie. Que des textes intelligents, qu'as-je dit, qu'à leur poème mal interpréter tout ce que je dis. Mot après mot, j'essaie d'écrire tous mes mots. Et malgré le manque de flow, je peux pas me séparer de ce putain de micro. Je lui dis toutes mes douleurs à chaud. Et sans lui, je pense qu'il y a longtemps que je serais dans un crachot. À l'heure où certains ont choisi la drogue ou l'alcool, moi je me suis mis à gratter ma vie un peu folle. Il y a longtemps que je m'isole pour que le son me serve de camisole. Franchement, je sais plus à quelle date j'ai commencé. À part des vagues souvenirs des Yam au tout début de leur percée. Je me souviens qu'à la maison tous les visages étaient grisés. Que les repas de famille avaient perdu de leur gaieté. J'ai pris la musique comme échappatoire à une époque où j'aurais pu me jeter sous les roues d'un train un samedi soir. À force de vivre de sales histoires, j'avais perdu toute lueur d'espoir. Toutes ces années à décrire ma déprime, à laisser tous ces inconnus entrer dans ma vie intime. Des millions de lignes à essayer de faire entendre cette pression qui me comprime. Apaisé au bout de quelques rimes, pourtant sur le cahier c'est ta flotte de haine qui se décime. Que je devienne victime de cette tête pensée qui m'anime. Tout ce côté sombre de ma personne que je réprime. Je ne sais pas trop où je vais, mais je sais d'où je viens. C'est là m'accrocher au stylo que j'ai parcouru chemin. Passer du petit gamin à ce jeune con faisant de sale larcin. Passer du mec malsain à ce père de famille qui tous les jours se plaint. Une trajectoire de vie faite entre habits et pas mal d'ennui. J'ai pas écrit autre chose que ma chaîne de vie. Donc attends pas un voir un jour dans ton hit parade. De toute manière je suis pas de ces rappeurs qui tous les jours paradent. Mais ce sont bien trop fades, voire peut-être trop crades ou peut-être trop bad. En bref, je suis ceux qui nagent à contre-vague. De toute manière dans mes sons y'a pas de drague. J'écris seulement quand mon esprit divague, ou bien quand la vie me fait de drôles de blagues. J'approche mes 20 ans de rimes et la pression d'avoir fait le tour de la firme. Tant d'années que je m'exprime sur des sujets qui pour moi sont légitimes. Aucun de mes sons n'est millésime, donc je finirai par régissime. Mais dans ma tête tout est unanime. Je peux avoir la plus grande des estimes de pas avoir balancé sur les ondes des textes qui oppriment.